Audiomatique. À chaque ouverture d'Audiomatique, les électronistes donnent la voix aux artistes et plus particulièrement à leurs œuvres. Et cette transmission 075 ne fait pas exception à la règle puisque nous vous avons fait entendre le groupe américain Tycho, mené par Scott Hansen, avec la pièce « L », remixée ici par le trio californien Dusty Brown. Cette version est incluse sur l'album Awake Remixes qui, comme son titre l'indique, comprend les 8 pièces de l'album Awake de Tycho, remixées par différents artistes comme entre autres Christopher Willits, BBO, Come Trues et bien sûr Dusty Brown. D'ailleurs, si vous désirez en découvrir davantage sur le trio Dusty Brown, ils offrent sur leur site dustybrown.com leur dernier mini-album The City Is Killing Me en téléchargement gratuit. Les sons s'accumulent dans l'espace, ils s'imprègnent dans les lieux, ils exercent une variation de la pression de l'air selon leur intensité. L'amplitude du son détermine la force avec laquelle il modifie l'espace intangible du lieu pour exciter l'oreille de l'auditeur. Les artistes, à travers leur composition musicale, jouent avec l'amplitude des sons de sorte que les textures sonores remplissent l'espace où se trouve l'auditeur. Dans une pièce, chaque son, chaque texture, même sans densité apparente, même dans un espace-temps ample, se dévoile par son amplitude par rapport aux autres sons, aux autres textures. Plus le son est pur, plus sa texture est précise et plus le traitement en est chirurgical, alors plus son amplitude réelle sera perçue par l'oreille et plus sa finalité sera interprétée comme telle par l'auditeur. Celui-ci pourra ainsi savourer la pertinence de chaque son assemblé par l'artiste. Dans les prochaines minutes, l'espace, que ce soit le vôtre, le nôtre et entre vous et nous celui des ondes radiophoniques, donc tous ces espaces propices à la diffusion des sons se rempliront de la musique d'Antea et de sa pièce Alma dans une version remixée par le projet Sexembra. La lengua guaraní, la palabra alma y la palabra palabra se dicen de la misma forma, así que eso quiere decir que la palabra es muy importante, o sea, quien traiciona la palabra traiciona al alma, alma, alma, alma, alma. ¿Qué les parece? La séquence musicale de deux pièces se terminait sur la musique du projet Recondite, de qui nous écoutions la pièce Subdue, tirée de son nouvel album intitulé Placid. Avant Recondite, le projet Sexembra, qui s'écrit S-X-M-B-R-A, nous offrait son Cosmic Wisdom Remix de la pièce Alma, originalement composée par Antea. Cette pièce se trouve sur l'album EP Alma d'Antea, qui regroupe 10 versions de la pièce titre reconstruite par différents projets musicaux. À Audiomatique, le prochain segment musical nous donne à l'instant l'opportunité d'entendre un extrait du dernier album de remix du trio new-yorkais Blonde Redhead. She danced. Pour l'écouter. 89.1. À la fin du bloc musical qui précédait la pause publicitaire, nous avions droit à l'artiste britannique Guy Andrews et sa composition Spirit Ritual, tirée de ce que l'on comprend être son premier album Our Spaces, qui est une des plus belles découvertes des dernières semaines pour les électronistes. Tout juste avant, il s'agissait du groupe anglais Underworld qui nous revient avec un nouvel album intitulé Barbara, Barbara, We Face a Shining Future, plus de 5 ans après la parution de leur album Barking en septembre 2010. Nous vous avons présenté la chanson Low Burn, qui est, selon nous, la pièce qui se démarque le plus sur cet album, qui, malgré les bonnes critiques qui ont été publiées récemment à son sujet, reste somme toute sans éclat et manque cruellement de profondeur. Mais cela n'est que l'humble avis des électronistes. Vous pourrez vous faire votre propre opinion si jamais vous décidez d'écouter ce dernier opus d'Underworld dans son entièreté. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos impressions, nous sommes toujours très curieux et heureux de vous lire. Et en début de bloc, vous avez peut-être cru reconnaître la chanson Lady M du dernier album studio Barragan de Blonde Redhead. Sachez que vous n'étiez pas tout à fait dans l'erreur puisqu'il s'agissait en fait d'une réinterprétation de cette chanson, réinterprétation qui prend le titre de Much More to Lady M, que l'on pourrait considérer comme étant une version remixée de Lady M par Chris Bear, un des membres de la formation Grizzly Bear. Cette version se retrouve sur l'album Freedom of Expression on Barragan de Blonde Redhead, album qui nous présente des versions librement remixées de chansons de l'album Barragan. À Audiomatique, le projet brésilien Tomash nous offre maintenant sa composition Funeral de un Contadino. Thank you. Questa fossa dove stai? Larga poche dita, è il più piccolo conto che hai pagato in vita. Questa fossa dove stai? Larga poche dita, è il più piccolo conto che hai pagato in vita. I'm strong, I'm capable, I'm giant, I'm giant. Light at the end, you're my light. l'artiste turc Pınar Akbay nous offrait sa pièce Light qu'on peut trouver sur son mini-album Apathy, sorti en 2015. Avant, nous entendions la formation Azar Swan et sa pièce Mouth in the Sky. Celle-ci paraît sur le plus récent album d'Azar Swan intitulé And Blow Us a Kiss. Et ce qui amorçait cette séquence musicale de trois pièces était le projet brésilien Tomash avec sa pièce Funeral de un Contandino. Cette pièce se retrouve sur la toute nouvelle compilation El Sudaca Contrataca Volumo Uno, produite par l'étiquette de disque colombienne Incorrecto. C'est à la formation italienne Port-Royal que revient la lourde tâche de clôturer la transmission 075 d'Audiomatic. Pour ce faire, elle nous interprétera la pièce « The Man Who Stole the Last Big Impeso », pièce remixée par le projet russe N7. Cette version est parue sur l'album « You Are Nowhere Remixes » qui comprend des versions remixées de pièces de l'album « Where Are You Now » de Port-Royal, paru en 2015. Les électronistes espèrent avoir la chance de vous faire découvrir d'autres artistes mercredi prochain dès 17h lors de la transmission 076 de leur émission Audiomatique. Si cette plage horaire ne vous convient pas, sachez qu'il est toujours possible de réécouter l'émission de la semaine courante en rediffusion le samedi soir vers 21h sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Également, n'hésitez pas à consulter notre profil facebook.com/audiomatique-cfou, ce qui vous donnera accès à toutes nos anciennes transmissions. Voici donc Port-Royal avec la pièce The Man Who Stole the Last Big Impeso, remixée par N7. Bonne semaine musicale.